pue comme jamais, ça pue comme jamais, des jamais, ça pue comme jamais, jamais, ça pue comme jamais, ça pue comme jamais, des jamais, ça pue comme jamais. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me dit Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, oui, voilà, non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs sapés en bas les mains, bas les mains, bas les mains, ça ouelle façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs sapés en bas les mains, bas les mains, bas les mains, ça ouelle façon Aladdin. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça pue comme jamais, ça pue comme jamais, ça pue comme jamais, ça pue comme jamais. Y'a Loulou et Bouddha, Loulou et Bouddha, y'a Coco na Chanel, Coco na Chanel. Contrôle la maison, apprécie mon parcours. Hende Katako, sale petit coquin des cocu. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Ferré Gamo, pour deux crocos sur la chaussée. J'suis congolais, tu vois, j'veux dire. Normatisé, maître Gims m'a convoitisé. Charlie Delta localisé. L'embilasso focalisé. Zappé comme Chacha, Chama. Dorénavant, j'fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire à Messi. La concurrence à ma vessie. Loubouzano et Hermès. Louis Vuitton. Je veux la recette. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça pue comme jamais, ça pue comme jamais, ça pue comme jamais, ça pue comme jamais. Kinshasa na Brazza, Libreville Abidjan, Yaoundé na Douala, Bamako na Dakar, Dani Saint-Théo, Belgique na Darcyé, Bilou na Demdemo, Juna Jana na E. Ça pue comme jamais, ça pue comme jamais, ça pue comme jamais. Ça pue comme jamais.